L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou International. Je suis Mélissa Suarez-El-Real. Comme d'habitude, je vous remercie de nous rejoindre dans ce nouveau épisode diffusé, comme d'habitude, depuis Jukapo, la capitale de notre petite île. Aujourd'hui, à Pokajou, on fait la commémoration d'un événement très sombre qui a provoqué la mort de plusieurs personnes. Cet événement dont on va parler aujourd'hui a provoqué un changement très important dans la façon de se nourrir et dans la façon de faire les cultures et l'agriculture à Pokajou. Ceci dit, il faut peut-être vous rappeler que le Pokajou est une île de taille très très réduite, mais qui compte quand même avec une grande variété de fruits. Même si à Pokajou on peut trouver plus de 250 espèces de fruits différents, les Pokajoutiens continuent à apprécier énormément le produit provenant d'ailleurs. Les jardiniers royaux ont acclimaté plus de 1000 espèces de plantes comestibles et ils sont en bonne partie responsables de l'autonomie alimentaire de l'île, qui parfois est un sujet qui semble obséder les Pokajoutiens. Ceci est peut-être directement un rapport avec la famine noire. Cette période de l'histoire pokajoutienne est connue aussi comme le jour noir. Selon l'histoire recueillie dans les annales de la ville de Jukapo, l'année 1640, un feu causé par la préparation d'une marmite au lapin a déclenché l'incendie le plus féroce dans l'histoire de l'île, même s'il n'a brûlé que 600 mètres. Il a malheureusement brûlé les serres et la cave à grains royal, où l'on gardait la plupart des grains qui allaient être plantés. Par conséquent, cette année-là, plus de 60 000 personnes en sont mortes de faim. On vient d'entendre Dark Day, un morceau qui fait partie de l'un des disques enregistrés par M. Alan Lomax, Cet album s'appelle Southern Journey, Velvet Voices. C'est le volume numéro 8. À partir du jour de cet incendie mortel, un décret royal a obligé les paysans pocajoutiens, aussi qu'aux jardiniers royaux, à créer des serres spéciales éparpillées partout dans les villes et villages pocajoutiens. Le but de ces serres était de fournir des grains variés en cas d'urgence. De cette façon, les problèmes climatiques, les grèves, les changements de la composition du sol ou même la hausse ou chute des prix n'étaient plus la cause d'une famine mortelle. C'était alors que la population a commencé à croître de façon soutenue. Peu à peu, les voyageurs qui quittaient le Pocajou et qui revenaient après devaient offrir des grains venus d'ailleurs. Les jardiniers royaux faisaient des tests, évidemment, avec ces grains qui étaient apportés par les voyageurs. Et une fois qu'il était sûr de son bon fonctionnement et sa bonne acclimatation, il les donnait aux paysans. Les fruits de ces grains étaient partagés et échangés au marché municipal. Et c'est ainsi que l'obsession des pocajoutiens par la variété culinaire a commencé. Depuis le XVIIe siècle, l'art de table pocajoutien est l'un des plus baroques et l'arrivée de nouveaux ingrédients venus de l'Amérique a continué à faire croître la variété de fruits, grains et légumes que l'on trouve à Pocajou. Pour les habitants de l'île, une famille montre sa richesse à sa table avec la variété d'ingrédients qu'il est capable d'offrir. Justement, cette façon très particulière d'interpréter la richesse a donné à Quantique l'idée de dédier une chanson à l'argent. Voici la plata de son dernier album appelé Magnética. Thank you. est de retour à la radio Pocahou internationale. Je suis Mélissa Suarez-Albert. Les banquets royaux sont spécialement célèbres à cause de cette variété d'ingrédients dont on vous parlait tout à l'heure. L'art de table pocahoutien est l'un des plus baroques. Et récemment, avec le phénomène social de la nourriture, le nombre de personnes qui font de la recherche sur ce sujet a cru de façon exponentielle. Normalement, le repas pocahoutien est composé de plusieurs mets, servis dans de petites portions. Le repas typiquement offert au Palais Royal est composé d'abord de grands broyés. On offre des grains de lin, tournesol, noix, amandes, noix de cajou, grains de trompera. Parfois, ils sont aussi mélangés à des épices ou aromatisés au parfum des fleurs telles que l'oranger ou la rose. Par contre, ils ne sont jamais sucrés. Ceci est considéré comme vraiment quelque chose de très très mauvais goût. Après, on offre un mokku, une espèce de sauce qui ressemble à un curry. Les mokku peuvent compter avec plus de 50 ingrédients et sa préparation varie énormément selon la famille ou le groupe ou même la célébration et les motifs du repas. Normalement, le mokku est servi avec des légumes au four ou même de la viande. Il est accompagné du papak, la pâte que l'on considère l'aliment basique du pocahou, et qui est une espèce de pain à pâte très gluant. Après, on offre une espèce de salade à base de feuilles de toutes sortes. Normalement, ces salades appelées aussi siam siam est considérée comme faisant partie du métier des fabricants de parfums. Les siam siamiers les plus réputés sont capables de créer des salades conçues spécialement pour chaque commensal. Et ils sont considérés comme les plats les plus fins de la cuisine pocahoutienne. Le délicat équilibre des herbes aromatiques est considéré vraiment comme un art lié plutôt à l'art des parfums. Finalement, les desserts qui contiennent toujours des fruits et qui peuvent être accompagnés d'une tisane, du thé ou du café. Mais la tisane d'hibiscus est toujours la plus courante partout dans l'île. Dans ce métissage culinaire, la musique fait évidemment une partie très importante de l'expérience. Les mélanges les plus étonnants sont toujours les bienvenus. On va vous laisser justement avec un exemple très clair de ce type de métissage sonore. Voici une version de mariachi, c'est-à-dire de la musique mexicaine, de la chanson Close to Me de The Cure. Voici la version de mariachi Rock O. Je suis Mélissa Suarez-Elra, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que vous nous rejoindrez la semaine prochaine dans l'épisode suivant de la Radio Pocahou International. À bientôt! For this, I've made myself so sick and wish I'd stay asleep today. I never thought this day would end. I never thought tonight could ever be this close to me. I put my eyes out, hold my breath and wait until I shake. But if I had your faith, then I could make it safe and clean. I'd stay asleep today. sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine !